17, on y va. 17, t'es-tu prêt? Ok. Aujourd'hui, le lundi 17 février 2020, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ben oui, on avait demandé à Ginette Moineau de venir ouvrir notre émission, en fait, préparer l'ouverture de cette extraordinaire hein? Oui, mais elle nous a pas rappelé. On est bien déçus. On savait un peu là, que la probabilité était très mince. Une fois, c'est... Puis, on va vous l'avouer, on n'était même pas certain du numéro de téléphone. On a appelé 3-4 fois. Il y avait Raymond, lui c'est lui qui connaît toute la liste de l'Union des artistes. Et là, on lui a dit il faudrait rencontrer Ginette Moineau qu'elle ne nous chante pas. Non, très simple. Même pas je ne suis qu'un torchon. La simplicité même. Ouvrir l'émission Errance Rénaldienne a cappella. Est capable. La capella, elle là, elle a pas de problème avec ça. Même, il faut l'arrêter. Quand ça part, cette belle Ginette-là, elle a plus de frein et c'est pour ça qu'on l'adore. Fait que lui, il s'en occupait, mon Raymond, à l'Union des artistes. Il y a l'annuaire. Ah, ben oui. Faut dire aussi que c'est celui de 1984. Ça fait que c'est un peu archaïque. Là, les gens n'avaient pas de cellulaire à cette époque-là. Fait qu'on a malheureusement uniquement les téléphones fixes. T'appelles, puis il y a... Malheureusement, il n'y a plus de numéro que vous avez composé. Alors, on a dit, on va essayer Clémence Ménochet. Il essaye Clémence Ménochet. Mais là, voyons donc, qui pourrons-nous avoir, tu sais? Il n'y a plus personne sur la planète qui a un téléphone fixe, hormis les oui, j'en fais partie, pour ça je peux vous le dire. Ben, c'est parce que j'ai un système d'alarme qui est branché sur la ligne directe. Pas de la police, moi, là. Du FBI. Quoi qu'il arrive, là, si mon petit Benjo, vous savez, je vous l'ai présenté, Benjo, depuis, hein? Belle lurette. Si Benjo a un spasme, est malade, il jappe, mais d'une manière bizarre, le FBI ou l'équipe SWAT. C'est un des deux. Là. Ils m'ont dit, veux-tu payer pour SWAT ou FBI? Ben, ils vont prendre les deux. Y a-tu un forfait? Ah, y a des forfaits. Y a des forfaits. On peut s'entendre sur bien des affaires si t'es prêt à payer. On est prêt. On est prêt. Hein? J'ai appelé mes conjointes. Ça fait que les 6 conjointes étaient... Ouais, la 7e, elle répond plus. On s'est comme... C'est un peu exagéré, là, parce que moi, je me chicane pas, moi. Moi, je suis tellement zen. On m'appelle Rénal le zeneur. Le zeneur. Ah oui, oui. Ah, c'est devenu presque dans le dictionnaire Robert, là. Le Larousse a pas voulu. Fait que moi, j'ai coupé ce cours, moi. Quand Larousse veut pas, Robert va dire oui. Ça fait que là, je dis, hey, Robert, j'ai un nouveau terme à te proposer. Je sais que t'es bien ouvert, puis t'en as besoin. Puis, tu sais, la langue française, c'est une langue vivante. Et puis, plus que moi, souvent. Ah oui. Hey, moi, le lundi, je suis pas vivant, je suis mort. Mort, là, puis enterré. Puis là, j'ai toute la semaine pour essayer de gratter tout ça, puis remonter le sarcophage, puis de brasser le rénal, puis de dire, hey, c'est bientôt samedi! Tu sais, fait que là, j'y parle souvent. Je dis, écoute bien, là. Je sais que la vie, c'est pas facile. Il y a bien du monde qui sont pris là-dedans, tu sais. Ouais, le monde, ouais, il y a bien du monde qui. Ouais. Il y a bien du monde pris là-dedans, excusez-moi. Je perds ma langue franchise. Il y a bien du monde pris là-dedans. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir parce qu'il faut, avant tout, être heureux. T'sais, c'est bien beau là, se cacher dans, comme disait Brel, 6 pieds sous terre, Jojo. 6 pieds sous terre, j'espère encore. Ça, c'est beau. C'est une très, très belle phrase. C'est un ami à Jaco, Jojo. Et 6 pieds sous terre, moi, je m'enterre. Et ça, ça se fait là, quelques heures après mon émission. Donc, le lundi, vers 2h15, 2h20, je commence à m'enterrer. Là, je mets de la terre, du monde, parce que la terre, hein, sur la terre, il y a du monde. Fait que j'envoie bien du monde avec moi. Mais ces gens-là, ils le savent pas. Fait que tranquillement, à chaque jour, je me déterre. Puis je déterre du monde. Puis on se réveille. Puis là, le vendredi soir, on sait pas, on est comme réveillés tout le monde ensemble. On se dit, hey, c'est bientôt samedi, qu'est-ce qu'on fait? Ah, oh, ben, hé! Hey, on va se faire plaisir. OK. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Écouter de la musique. Ah, oh, oui, la musique. Mais, hey, y en a-tu de la musique? Préfères-tu du classique, du jazz, de l'expérimental? Parce qu'au début de l'émission, là, c'était expérimental, pas à peu près. Là, on a appelé l'expérimentateur sonore numéro 1, qui travaille bien sûr à CKRL. Tous les génies musicaux, tous les génies de l'animation se trouvent. On se cache même pas. On se cache pas, nous autres, à CKRL. On peut nous trouver. Nous sommes un joyau. C'est quoi le terme, donc? Nous sommes, oui, dans un coffre de Pandore. On est Pandore. Milord, il y a Gaétan de Brisebois qui n'arrête pas de nous susurrer. Tu vas l'avoir à soir. Elle est tellement positive. Tu vas l'avoir. Puis là, quand ça fait 5-6 émissions, tu sais, que tu pompes l'huile, tu sens la friteuse. Puis tu veux pas. C'est ça, tu veux pas lâcher la serviette, tu sais. Moi, c'est un ancien boxeur, là, faut pas l'oublier. En 1978, Mohamed Ali m'a appelé en me disant on aimerait ça que tu. Ben, j'aimerais que tu me présentes lors du combat ultime avec Shreeburu. J'ai dit OK, mais je connais pas Shreeburu. Il dit, ben écoute, là, c'est une recrue, puis il s'annonce, là, pour devenir, me dépasser, puis m'anéantir et briser tout ce que j'ai fait pendant toute une vie. Je dis, ben écoute, Mohamed, m'en va me pointer, là. J'ai dit, c'est où? Il dit, c'est à New York. Je dis, oh, tabla. Mais là, il n'y avait pas eu l'affaire du 11 du 11, là. Fait que j'ai dit, moi, j'ai pas de passeport, tu sais, j'ai rien. Je reste à Québec, et puis, j'ai pas de problème. Moi, tout débranché ça, puis moi, placé directement chez nous. Tu vas arriver au mal. As-tu un papier puis un crayon? Je dis, hey, Mohamed. Des crayons, j'en ai partout, des papiers aussi, mais j'étais un peu subjugué de savoir que tu fais appel à mon côté amateuriste. Il dit, non, t'es pas amateuriste. T'es un joyau. Aïe, j'ai mal à la tête. Dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai mangé un uppercut par ma femme. Ah! Elle boxe aussi. Elle me boxe dedans, dessus, derrière. Quand je m'y attends pas, surtout dans mon sommeil, pow! Là, je me réveille. Hé! Hé! Est-ce que c'est dans mon rêve? Ou... Là, quand je chaigne, tu sais, je saigne, là, comme un cochon éventré. L'oreiller témoigne. On l'a amené en cours. Monsieur le juge, nous avons ici l'oreiller de Monsieur Gagné. Et non, il va parler, il va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, il place le micro, tu sais, un micro. Un oreiller, ça parle pas fort. L'oreiller, là, c'est très, ben, c'est somnolent. C'est normal, c'est un oreiller. C'est pas un café, c'est l'oreiller. Le café, lui, « Hey, t'es tout heureux d'être heureux, lui, là. Hey, il y a de la crème, il y a un petit cube de sucre qui me tombe dedans. Ah, oh, t'es merveilleux. Je vais te faire une belle journée, moi. Prends-moi juste 3-4 gorgées, là. Tu vas allumer jusqu'à la fin de tes jours. » Là, c'est vrai, c'est pour ça que je prends plus de café, moi. Je prends une gorgée, là. Puis on dirait que c'est de l'adrénaline, là, pendant 20 heures. Pas capable de dormir pendant 20 heures. J'ai les yeux ronds. Ah, pas capable de dormir. Comment ça? Pris une gorgée de café. Ouais, mais c'est une gorgée. Mais oui, mais il y avait 6 carrés de sucre. Il y avait du sucaril. Il y avait un petit peu de crème. Puis il y avait aussi. Attention, t'es-tu prêt à entendre ça? Oui. Il y avait de la boisson énergisante. Ouais, mais là. C'est un cocktail Molotov. Connais pas lui. Connais pas Molotov, là. Appelle-moi le pas. Il veut rien savoir de lui. Puis déjà, là, j'ai peur. Quand j'ai vu ça, là, parce qu'on me l'a préparé, hein, dans un restaurant qui s'appelle le restaurant. Si vous n'êtes pas stressé, nous allons vous le faire à votre place. On va te faire quoi? Le stress. On va t'amener dans un zénith que t'as jamais visité. Oh, ben moi, les zéniths, moi, c'est trop grand, ces salles-là. Tu sais, c'est trop populiste puis pas assez intimiste. Moi, ce que je veux entendre quand je vois un artiste, là, c'est au moins de le voir. Pas sur un écran géant, là, de le voir de visu. En tout cas, j'ai juste une visite avec lui. Fait que c'est pas de l'entendre. L'entendre, là, je vais mettre un record. M'a mettre un disque, là. N'importe quoi qui va jouer sa chanson. Puis je le verrai pas, mais quand je vais sur scène, voir quand je viens de dire quand je vais sur scène, j'y vais pas. Mais je m'attends à rencontrer l'artiste dans sa plus pure intimité. Si un jour, là, vous voulez faire un spectacle dans votre chambre à coucher, invitez-moi, je vais être là. Ça doit être intime à peu près, ça? Dans la chambre à coucher? J'ai jamais entendu ça. Ce serait une première mondiale. Alors, Pauline Paris, dans une chambre à coucher. Garance Aubin, dans une chambre à coucher. Paul Pechenard, dans une chambre à coucher. Tous mes amis, dans une chambre à coucher. On en écouterait-tu de la musique? Ça, là, ça serait la plus belle chose. Et puis, Sarclos, dans une chambre à coucher, ça t'emmène-tu du hasard, ça? Ça serait une idée. Je lance ça de même, là. Les artistes ont besoin d'argent. On n'a pas d'argent. On voit pas les disques, ça se vend plus. Tout le monde est en train de télécharger ça dans la plus pure piraterie. La piraterie va nous tuer. Ils sont pas juste à bord des bateaux, les pirates. Il y a les pirates de l'air. Il y a les pirates de bière. Ah oui, les pirates de bière. Tu sais, ceux qui font leur propre bière, là, puis qui vendent ça dans le marché noir. Quand c'est trop noir, Al Capone va se présenter, puis attention, il n'y a pas une flûte traversière, lui. Il y a la mitraillette traversière. Ça joue pas. Ah non, non, ça n'a jamais joué. Mais ça a toujours tiré. Je reste un vieux char qui rouille en Amérique du Nord. Salut mon ami. Salut mon ami. Salut mon ami. Salut mon ami. Oui, bon. Nous étions là quelques semaines avant le temps des fêtes, tu sais, parce qu'on n'aime pas ça le temps des fêtes, nous autres. On n'a jamais été là-dedans. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde le fait. Puis il y avait une publicité au Québec, il n'y a pas si longtemps, dans les années 70. Tout le monde le fait, fais le don. Ah oh, ben, hey! Moi, c'est le contraire. Tout le monde le fait, fais-le pas. Fais-le jamais. Embarque pas là-dedans. Embarquer, ça veut dire rentrer dans la même organisation que la majorité, il ne faut pas faire ça. Il faut les regarder. Tu sais, un peu comme, oui, exactement. Tu te retires, tu observes. C'est comme ça que la création arrive. Puis après ça, tu peux rejeter, tu peux raconter, tu peux relater, tu peux dire, tu peux même être... oui, exact. Oui, c'est ça. Vous pouvez... On peut connaître... Non, non, même pas connaître... Il faut être à l'écoute, s'embarquer. C'est ça l'intérêt. Fait que moi, il n'y a pas si longtemps, avant la période des fêtes, deux jours avant, ben, on était le 23, on m'a offert un cadeau, une méga, mais là, moi je fonctionne aux pieds, une bouteille de champagne de 6 pieds de haut, mais vide là. Mais oui, vite, voyons donc. Penses-tu qu'ils vont me payer 6 pieds de... Comment ça peut faire de millilitres ou d'onces, là? Au moins 5 gallons, hein? 5 gallons de champagne, ça coûte cher en Saint, s'il vous plaît, d'Amérique du Nord britannique. Ça fait comme... Ils me l'ont donné... En fait, c'est pour la décoration. C'est beau, la décoration. Ça sert à rien, mais c'est visuellement intéressant, selon plusieurs. Fait qu'il me procure ça, mais emballé. Fait que moi, 25, là, je fais de la radio à CKRL. Penses-tu? J'ai pas eu une seconde d'intérêt à ouvrir tout ça. Ça fait que là, le 31 au premier arrive, j'étais pas là non plus. J'étais à CKRL je voulais faire des émissions pour pas rentrer dans cette affaire qui me répugne au plus haut point. Mais je voulais amuser aussi la galerie. Donc, j'étais assez quand même. Le premier, je reviens. Il est 4h30 du matin parce que je n'ai pas eu de taxi avant. Je finissais à 3h, mais là, 4h30, le taxi arrive. Pieds mouillés, gelé bien dur. Non, mais quand je vous dis gelé bien dur, là, il faisait froid. J'étais pas très bien habillé. Ça peut arriver. Et là, je prends le taxi. Le chauffeur était au cellulaire et parlait avec quelqu'un. Je trouvais ça assez ordinaire. Je me suis dit, OK, pas de problème. Sa récompense, là, son pourboire, sera tributaire de ce qu'il n'a pas voulu faire comme étant le plus... Non, il voulait pas, lui. Ça, il tentait pas, mais il devait travailler pour, je sais pas, pour ses enfants ou peu importe. Fait que là, il parlait à son compagnon, je sais pas qui, et moi, j'étais dans le taxi, tu sais, j'attendais, puis on roulait, il était sur le GPS, tu sais, j'avais dit la rue, l'avenue, il suivait le GPS. Mais ça allait bien parce que ça coûtait pas plus cher. Le parcours était traditionnel, bon. Au moins, je le trouvais honnête là-dessus. Mais aucun intérêt avec moi. Même pas de discussion au début. Juste, bonjour monsieur, à quel endroit on peut vous déposer? Là, je donne mon adresse, blablabla, OK, on part. Pff. Puis après ça, tu sais, les écouteurs avec le petit fil, là. Je pensais qu'au début, je croyais qu'il voulait ouvrir la discussion. Il dit, ah oui, j'étais là, puis là, blablabla. OK, c'est pas moi, là. C'est pas moi qui parle. Puis là, 3 minutes avant d'arriver chez moi, il raccroche. Enfin, j'ai pas vu raccrocher, là, mais il a dit « OK, on se rappelle. » Puis là, il dit « C'est où? » Ben là, je dis « Vous montez en haut, il y a deux côtes, là, c'est la deuxième côte à votre droite. » Puis là, il dit « OK, bon, 12,90. » Normalement, je suis généreux. Là. Je donne un 20$, puis je dis merci. Mais comme... il ne s'est pas intéressé à moi. J'ai donné 15$. Un pourboire quand même. Hein? Faut être honnête, là. Il travaille le 31 au premier. Mais j'ai trouvé ça quand même assez spécial. Et là, je veux dire au caissier, aux caissières, là, quand vous êtes devant un client, c'est lui le plus important. C'est pas les gens qui travaillent avec vous. Le roi, celui qui rapporte l'argent dans l'entreprise. Même, je tiens à dire que les clients sont plus importants que les propriétaires d'entreprises. Ça, c'est certain. Parce que des propriétaires d'entreprises, là, il y en a partout. Mais des clients fidèles, c'est eux qui doivent tenir l'intérêt des caissiers, des caissières et de tout le personnel. Sinon, ben, on passe à côté. Puis dites-vous une chose, un client est satisfait. S'il reste à côté, malheureusement, il va revenir. Malheureusement, pour lui, il va revenir parce qu'il n'y a pas de voiture, tout ça. Mais pour les autres, là, qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui peuvent se transporter ou se télétransporter, ça peut... T'as-tu trouvé ton télétransport? Ouais, toi? T'as-tu à Noël? Ouais, non, pas vraiment. T'as essayé? Il y a juste le petit doigt qui est parti. Ah, mais mon Dieu, c'est vrai. T'as juste 4 doigts, t'en manques un. Ah, dans le manuel, ils disent qu'il peut revenir n'importe quand. Mais, ça peut être curieux. Hein? Tu sais, t'es dans un... oui, c'est ça, tu te présentes à une demoiselle pour la première fois, là. Tu veux conquérir la gente féminine. Puis là, t'as 4 doigts. Y a pas de problème, là. Tu peux vivre à 4 doigts, 3 doigts, 1 doigt. Les doigts, c'est pas important. Mais pendant le repas, elle voit que le doigt pousse. Puis là, tu dis, ah non, non, mais écoute, c'est normal. Non, non, je coupe le doigt, mais il devait se télétransporter à un moment donné, puis là, c'est arrivé là. Pense pas qu'elle va te rappeler, moi. Pense pas qu'elle va aller plus loin dans la liaison. Pourquoi? Parce que souvent, les gens n'aiment pas l'étrangeté. Merci, public en délire. Mais j'ai pas fait de fondu. Je fais jamais de fondu quand t'es... quand c'est en spectacle. Désolé. Je suis comme ça. Mais moi, je savais pas qu'elle était vide. Ben, je parle de la bouteille que j'ai reçue en cadeau. Ça fait que là, je la débouche, tu sais, c'est 6 pieds de haut. 6 pieds de haut, c'est haut, là. C'est haut, 6 pieds de haut. Ça fait que là, je prends mon courage à deux mains. J'ai pris mes 2 pieds aussi, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et à 2 pieds. J'ai décapsulé la bouteille de champagne gigantesque. Là, j'ai voulu voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, tu sais. C'est ça, les gens qui sont curieux. La curiosité est un signe d'intelligence. Fait que j'en profite quand je suis curieux. Et j'embarque en haut de la bouteille, je rentre dans le goulot, j'arrive dans le fond de la bouteille, POUM! J'ai un vide. Je parle d'un cadeau empoisonné, oui. Comment faire ça? Je croyais que je pourrais avoir au moins un petit fond de veuve Clicquot. Absolument rien. J'étais déçu. Mais là, juste au fond, il y avait 2 centimètres de liquide. Je dis, hey, c'est du champagne, ça! T'es curieux, moi, là. Je suis curieux. Une bête curieuse, c'est moi. C'est pas juste Brigitte Fontaine, la bête curieuse. Il y a d'autres bêtes curieuses. Moi, je... que j'y goûte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Là, je me rends compte que je rapetisse. Puis que la bouteille grandit. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas assez dormi encore une fois, là? T'es en train de faire un dérapage visuel. Parce que les dérapages visuels, M. Brisebois, ça peut arriver à n'importe qui. Quand tu regardes la neige qui tombe, couché dans un banc de neige, tu sais, un amas de neige, OK? Tu es couché sur un amas de neige, tu regardes le ciel et tu vois la neige tomber sur toi. Tu sais, il y a des gens qui sont très artistiques. Toute la neige tombe sur moi. Mais moi, je fais comme si je ne la sens pas. Bon, mais à moins 40, si tu sens pas la froidure de la neige puis la neige qui tombe, c'est qu'il y a un problème. Là. T'es resté dans un fond de bouteille, mais rempli d'alcool à 40 degrés. Ou peut-être encore mieux, le gars dit-il. Comment t'appelles ça? Pas de l'élixir de la... Ouais, c'est ça, là. Ouais, exactement. De l'amidon d'alcool. Ça fait que là... T'es couché. Tu vois la neige tomber. C'est beau visuellement. Là. Pour un poète, là, c'est « Ah, je vais écrire des textes et des textes sur ce sujet qui m'anime depuis quelques secondes. » En même temps, Nelligan, tu peux comprendre. Pourquoi il a dit « Ah, que la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. Ah, que la neige a neigé. Quel est ce spasme de vivre. » Mais toi, Ticu Boudreau, poète de fin de semaine, surtout le samedi à 18h jusqu'à 23h. T'es pas capable de savoir ça, parce que t'as pas de connaissance, t'as pas d'ouverture, t'as pas de référence, les références. C'est beau les références. Ça, c'est comme des crampons en dessous des souliers. Ça peut te faire glisser si tu veux glisser, mais ça te cramponne à une certaine connaissance. Quand ça cramponne, c'est bon signe. Depuis quelques années, on se demande, tu sais, tous les quotients intellectuels élevés, selon selon leurs proches. Hein, lui, il a d'autres idées que les autres. Hein, c'est quand même assez hors norme. Je m'y pencherai. Je peux pas me pencher, madame. J'ai mal de dos. J'ai un lambago. Et ça me fait mal. Ça me fait bien beau me crémer le derrière de dos. Je me crème le derrière de dos, moi. Ah oui, le lundi, mardi, mercredi, le jeudi, j'arrête parce que ça, c'est la fin de semaine, je dois sentir un peu autre chose que la médication. My. Fait que là, t'es dans la bouteille, t'as pris l'élixir, là, qui est, on va dire élixir, on sait pas la composante, t'as rapetissé, puis t'essayes de remonter. Là, ton cellulaire est pas dans tes poches. Ton cellulaire est à l'extérieur de la bouteille puis ça sonne. Tu l'entends sonner. Hey, je vais essayer de monter. T'es pas capable. Il n'y a pas d'échelle, rien. Puis c'est glissant, ça, là. Ça fait qu'est-ce qui se passe? Tata! Tu dis, hey, écoute, si j'ai ratissé, m'aura grandi. Pas pire l'intelligence, là. C'est pas un imbécile de premier ordre, là. Ça ne deviendra pas, non, je ne dirai pas, ça ne deviendra pas quelqu'un, un dirigeant de droite, heureusement. Ça va faire peut-être un, tu sais, quelqu'un qui est penché sur lui-même, puis dans ses œuvres, puis à écrire, puis à essayer de trouver la tournure, puis pas devenir reconnu mondialement, mais c'est de faire sa petite besogne au quotidien, en création. Ça fait qu'elle l'a! J'avais raison! Puisque 8 heures plus tard, mais 8 heures c'est long, là, dans une bouteille. Puis là, je voulais pas non plus boire ce qui restait parce que je savais que ça allait durer encore plus longtemps. Fait que j'avais faim, j'avais soif. Ah, j'aurais bu, là. Moi, je suis un professionnel. J'adore. Professionnel, ça me dérange un peu de dire ça, là. Mais je connais la limonade. La limonade. Puis j'haïs celle, tu sais, on met de l'eau puis du citron, j'haïs ça. Moi, c'est les limonades commerciales. Celle que tu sais que tu vas boire puis qui est artificielle à 100%. Il y en a de la bonne, de la moins bonne. C'est comme tout le reste, là. Il y a des bonnes personnes, des moins bonnes personnes. Moi, j'en connais 3 bonnes limonades. J'étais dans la bouteille, genre, je boirais un bon verre de limonade, là. Parce que ça me ramène l'été, ça me ramène le pimpant. Moi, je prends pas de café, je prends de la limonade. Vous savez, je vous ai dit pourquoi, il y a quelques minutes, pourquoi je prends pas de café, café, hey, ça me stresse. Juste dire le mot café, je dormirai pas à soir. Je dormirai pas là, à 3h30 du matin après l'émission. Là. Mais encore sursauté. Un peu comme un prisonnier que l'on tue par... injection létale. Ah, il y a des endroits aux États-Unis là où toute les mots me manquent là, parce que je trouve ça tellement épouvantable. C'est que toute le produit qu'ils injectent aux prisonniers, ben, était périmé. Ce que ça fait, ben, c'est que la dose est moins virulente. Donc, les gens crevaient, mais à petite dose. C'est bien beau, là. C'est ça que je trouve épouvantable. Quand t'es parent, tu te dis, ben, je vais montrer les choses qu'il faut faire à mon enfant. Hein? Je vais montrer le bon exemple. Puis encore dans certains pays, la peine de mort existe encore. Mais là, qu'est-ce que tu dis au peuple, aux citoyens? C'est que faites pas ce que je dis. C'est quoi la doctrine? Faites pas ce que je dis, mais faites ça. En tout cas, vous la connaissez, là. Faites pas ce que je dis. Mais suivez ce qu'on vous propose. Fait que non, t'as pas le droit de tuer, mais si tu tues, on va te tuer. Hey, la vie, là, quelquefois, souvent, c'est cinglé, hein? C'est tordu. La vie est tordue. Eh bien, c'est comme ça. Il se passe dans la rue, pas de chemin chez privé. Si tu gardes ma voiture, pas de drame au sérieux. Et comment je fais pour vous voir dans canaille? J'ai pensé l'ange raconter des histoires. J'ai pensé l'ange faire semblant qu'on se connaît. J'en ai assez des détours en parole. J'en ai assez, on pourra s'en penser. On s'accorde, c'est certain. Aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre, là, c'est Offenbach, leur dernier concert en spectacle. Et puis, moi, je me suis offert le coffret, là, le vrai, là, tu sais, celui là, remasterisé, puis avec le DVD. Et à l'intérieur, on retrouve un billet comme on dit malheureusement à Paris, un ticket. Un billet d'entrée, là, tu t'achètes un billet pour aller voir, je sais pas, admettons, Paulo Conte. Wonderful is wonderful is wonderful, my baby. Wonderful is wonderful is wonderful. Ça, c'est, ouais, à ma façon. Paulie. Hey, Paulie, t'es-tu épaulé par ta Rita Bibelot, toi? T'as connais pas? Va t'a faire connaître. Elle est tellement gentille, brillante, puis en plus, là, elle adore les artistes italiens. Puis Conte, il me semble que c'est à côté sur elle. Hein? Ça vous intéresse pas? Vous êtes marié? Divorcé plusieurs fois? Ouais. Oui. Mais. Oui. Tirez pas des. Non, arrêtez. Heureusement, vous avez. Il faut pas avoir de fusil quand vous tirez des conclusions, là. Ça risque de. Oui. De mettre fin à la vie de plusieurs personnes. Puis des innocents, puis croyez-vous. Croyez-moi, mon cher monsieur, puis croyez-vous aussi. Hey, pour être innocent, je suis un innocent, moi. Ah, mon Dieu. Hey, ma dernière femme, elle m'a dit « mon Gaétan ». Parce que je me prénomme Gaétan, c'est pas de ma faute, là, j'ai pas choisi ça. Mais en même temps, je trouve que Gaétan, ça me stimule. Tu sais, au début de ta vie, on te donne un prénom. On te donne un prénom. Puis pendant toute ta vie, tu dois vivre avec ce prénom-là. Puis si ça fonctionne plus ou moins, ben tu peux le changer, mais ça coûte cher. Puis c'est pas ce que tes parents voulaient. Puis en même temps, on sait pas ce qu'ils avaient dans l'idée, là, tu sais. Marteau, là. Marteau Saint-Pierre. J'ai rien contre. Si t'es pas avocat, le Marteau Saint-Pierre. Si t'es pas maçonnier ou si tu ne vas pas dans construction, Marteau Saint-Pierre. Imagine-toi et tout la risée, là. Hey! Cogne pas des clous, mon Marteau Saint-Pierre! Hey, le gars. L'agressivité interne, là. Après ça, il passe à des émissions comme Tueur en série. Ou pourquoi mon oui, c'est ça, pourquoi mon nom a-t-il été choisi ainsi? Mon prénom a-t-il été choisi ainsi? Pourquoi? Toujours des questions, hein? Fait que là, tu demandes à ton père, il dit, hey, mon père, comment ça tu m'as appelé Marteau? Moi, il dit, écoute, avant ta naissance, ta mère, là, a perdu la carte pas mal, là. Perdu la carte du monde? T'es trop intelligent, toi, t'es un poète. Ben oui, mais papa, Marteau, tu fais pas carrière avec ça, Marteau, ben c'est ça, il y a Antonin Marteau. Non, c'est pas Marteau, c'est Antonin Artaud. Ah ben, c'est ça. Oui, j'ai vu des affaires, tu sais, pas trop compris l'existence encore, là. Hey, t'es rendu à 72 ans, papa. Ben oui, écoute, ça prend toute une vie pour comprendre. Puis encore là, c'est pas certain qu'on va tout saisir, là. On peut décrocher, comme l'avion. Hey, souhaite-moi pas de malheur, m'en va, là, dans quelques jours. Ou tu t'en vas, toi, là. M'en va, hein? Toujours à la même place. C'est où, ça? Mais là, on va prendre l'avion. Ben, j'espère que tu vas monter en avion. Tu m'as dit, moi, on va monter de Québec. T'sais, déjà là, c'est de Québec, c'est rassurant, c'est ma ville. C'est mes références, c'est mon existence. Puis là, on s'en va. Puis, pendant tout le long, là, c'est de l'eau. Il y en a. C'est-tu la réalité ou ton imaginaire, là? T'es-tu t'en tombé avec un petit, tu sais, un avion miniature? Mais non, papa. Traverse l'Atlantique, le Frédéric et puis la Gaétane Boucher. Puis m'envoie atterrir. À Orly. À qui? Orly. Pas général de drôle? Non, un général de drôle, moi j'ai peur de ça. Tu sais, quand c'est drôle, là, ça peut déraper, fait que à Orly. Il n'y a plus un avion qui dépose à Orly, voyons là. Mais écoute, moi, je fais ça depuis longtemps, je connais ça, tu sais. Tu peux choisir. Oui, il me semble que tu as mal choisi. C'est comme. C'est une erreur de ta part. Oh, c'est pas la première erreur que je fais, là. Mais là, en choisissant mon prénom, là. t'as fait une grave erreur. Écoute, j'étais comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je le regrette pas parce que t'as fait ta carrière sur ton prénom. Il y a des artistes qui se cherchent une identité, hein? Qui se cherchent un prénom et un nom pour se lancer dans le milieu artistique. Mais toi, ton milieu artistique, tu l'as eu dès la naissance. Puis on t'a motivé là-dessus. Tu ne me reviendras pas invitant Paparman sur cet événement-là. Mais non, papa, on peut comprendre que tu as eu de la pression. De la pression! La pression, on a toute notre vie. De la naissance jusqu'à la mort. Fait que, tu sais, si ça te dérange, ben excuse-moi. Puis si ça te fait grandir, ben tu peux me le dire aussi. J'attends la réponse. Ouais, pas dire ça de même. Là. M'en va, si je reviens, il va peut-être te divulguer ma réflexion. OK, ça serait bien, parce que là, je me sens comme mal à l'aise. Est-ce que j'ai brisé ton avenir juste simplement en te choisissant un prénom? C'est pour ça que c'est important. Puis là, hein, on est autour d'un feu l'été, puis là, la petite dame est enceinte, puis on dit, est-ce qu'on va l'appeler Laetitia? Ah non, si on est dit Laetitia, non, si on l'appelle Laetitia, les gens vont dire Laetitia. Laetitia, tu sais, au Québec, Laetitia, mais pas Laetitia. Fait que, est-ce qu'on va l'appeler Emmanuela? Ils vont dire Emmanuela. Fait qu'on va l'appeler Emmanuel, peut-être. Est-ce qu'on va l'appeler Rénald ou Rénald? On l'appelait Rénald, puis les Français diront Rénald. Ça, ça me fait plaisir. On va vous en faire une petite nouvelle. Seul, j'ai marché dans la boue. Souvent, j'ai calé jusqu'au cou. À bout de cœur, je m'en suis sorti. Et là, toi, tu me tournes là en jetant mon amour au flamme. À bout de force, je me laisse brûler. Tu n'étais seulement qu'une aventure. Aujourd'hui, le lundi 17 février 2020, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ben oui, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Je sais qu'il y a des gens qui disent « tu parles trop vite ». Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Sarclo, ou Sarcloret, ou en un mot, un gars que j'ai vraiment été heureux de rencontrer, puisque dès que j'avais 19-20 ans, ça le rejeunit pas, mais il n'est pas trop jeune non plus, là, Sarclo. j'adorais ce qu'il faisait. Et plusieurs années plus tard, je me retrouve avec lui dans sa maison qu'il a construit, qu'il a rénové avec un petit théâtre extraordinaire. Donc, ce soir, la fin, donc c'est quand même une petite mort. Chaque fin est une petite mort de Sarclo ou Sarcloret. J'espère que vous avez apprécié les deux premières émissions. Maintenant, la dernière vous est allouée, proposée, amenée, glissée sous la porte. À vous de la prendre. Bonne émission. Ce sera incroyablement intéressant. Vous voulez des preuves? À partir de maintenant, c'est 100% Sarclo. Ah oui. Voici l'artiste. À quoi bon chercher le pourquoi du comment? C'était pas même au courant. À quoi bon chercher le pourquoi du comment? Ça va rien changer dorénavant. Quand le coq va gueuler demain matin, regarde à ta fenêtre et tu verras bien. T'as fait ce qu'il fallait pour me remettre en chemin. Ne te casse pas la tête, ça ira bien. À quoi bon vouloir prononcer mon nom? Ça, tu l'as pas tellement fait jusque-là. À quoi bon vouloir prononcer mon nom? Je ne t'entends plus, c'est comme ça. T'aurais un mot à dire, un geste à essayer, pour me faire changer d'avis et rester. Mais il faudrait pour ça qu'on ait appris à parler. Ne te casse pas la tête, ça ira bien. À quoi bon vouloir allumer la lumière? Ta lumière, j'ai jamais pu la voir. À quoi bon vouloir allumer la lumière? Je suis du côté de la route où il fait noir. Je rêvasse et je réfléchis en chemin. J'ai aimé une fille qui se la joue comme un gamin. J'ai donné mon cœur, elle repart mon âme à la main. Ne te casse pas la tête, ça ira bien. Ça va durer ce que ça va durer, baby. Et où je vais? Eh ben ça, on n'en sait trop rien, mais se dire adieu serait un peu trop gentil, baby. Alors ça va juste être, porte-toi bien. Je dis pas que tu m'aies traité méchamment. T'aurais pu faire un peu mieux, mais on s'en fiche absolument. t'as juste gâché un peu de mon précieux temps, mais te casse pas la tête, ça ira bien. So long, EPP, what I'm bound, I can't tell. But goodbye is to get a word, babe. So I just say very well. I'm saying you treated me unkind. You could have done better, but I just don't mind. You just kinda wasted my precious time. So don't think twice, it's alright. Où est-ce que tu étais, mon fils aux yeux clairs? Mais où est-ce que tu étais, mon enfant chéri? Oh, j'ai trébuché dans la brume sur le flanc de 18 montagnes. J'ai pénétré le fond des 6 plus obscures forêts. J'ai voulu me dresser contre cet océan pourri. J'ai fait 18 000 bornes dans la gueule de la nécropole. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. I'm gonna fall. Et qu'est-ce que t'as vu, mon fils aux yeux clairs? Mais qu'est-ce que t'as vu, mon enfant chéri? J'ai vu un bébé tout neuf avec que des loups sauvages pour l'entourer. J'ai vu une route couverte de diamants mais il n'y avait personne pour y aller. J'ai vu une branche noire, il y avait encore du sang qui coulait. J'ai vu une piole pleine de gars, ils avaient les marteaux qui saignaient. J'ai vu les flingues et les épées qu'on mettait dans les mains des gamins. And it's a ride, and it's a ride, and it's a ride, and it's a ride, it's a hard rain. I'm gonna fall. Et qu'est-ce que t'as entendu, mon fils aux yeux clairs? Qu'est-ce que t'as entendu, mon enfant chéri? Oh, le cri du tonnerre qui hurlait comme une mise en garde. Le grondement de la vague qu'aurait bien pu noyer tout le monde. Et le roulement de 100 tambours qu'avaient les mains qui carbonisaient. Il y en avait 1000 qui jugeotaient, il y en avait pas un qui écoutait. Il y en avait un qui crevait la dalle, il y en avait plein qui rigolaient. Et le chant du poète qui crevait sur le bas-côté. Et le gargouillis du clown qui pleurait en bas dans l'allée. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. I'm gonna fall. Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils aux yeux clairs? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon enfant chéri? Oh, je vais retourner dehors avant que la pluie commence à tomber. J'irai tout au fond de la plus noire et profonde des forêts. Là où les gens, il y en a plein et dans leurs mains, il n'y a jamais rien. Où la flotte est pourrie par la mitraille empoisonnée. Là où la maison dans la vallée touche à la prison, ça l'est trempé. Là où le noir c'est la couleur et zéro c'est tout ce que tu peux compter. Là où la faim est dégueulasse et les âmes on a tout laissé tomber. Et je le dirai, je le crierai, je le sifflerai, je le soufflerai. Je le balancerai de la montagne, qu'aucune âme ne passe à côté. Et je me dresserai sur l'océan jusqu'à ce que je commence à couler. Et je saurai ma chanson par cœur avant de commencer à chanter un Etherhead. Un Etherhead, un Etherhead, un Etherhead, un Etherhead. I'm gonna fall. Un Etherhead, un Etherhead, un Etherhead. Première pommade anti-âge à la glycérine de froment. Effet lifting, effet drainant pour l'épaississement du visage. Pour vos problèmes de pellicule, shampoing, crème à la noix de coco. Phytoprotecteurs radicaux, détendez-vous qu'on vous encule. Je voudrais bien penser comme Souchon, mais on est tous des petits cochons. Le bœuf est un bœuf de la française des bœufs. Foule sentimentale de mes couilles, on suit les plus forts comme des nouilles. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes poneurs. Moi je m'en fous ces conneries, ça me berce. J'achète du shampoing pour cheveux sales. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale. On retouche un peu la photo et la petite chanteuse soudain vous emballe. Un peu après, on la fout à l'eau, foule sentimentale, que dalle. Elle passe et plus à la téloche, vu qu'on a des moutons moroses. Il suffit qu'une autre fille monte ses loges pour qu'on achète tous la même chose. Je voudrais bien penser comme Souchon, mais on est tous des petits cochons. Le bœuf est un bœuf de la française des bœufs. Foule sentimentale de mes couilles, on suit les plus forts comme des nouilles. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes pneus. Ces conneries s'inversent, j'achète du shampoing pour cheveux sales. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale. On retouche le curriculum et le président soudain vous emballe. Et puis on peut plus voir le bonhomme, il chiait dans la fracture sociale. Sa petite vie devenait trop douillette, il devenait de plus en plus gros. La politique c'est comme l'andouillette, il faut que ça sente la merde mais pas trop. Je voudrais bien penser comme Souchon, mais on est tous des petits cochons. Le bœuf est un bœuf de la française des bœufs. Foule sentimentale de mes couilles, on suit les plus forts comme des nouilles. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes pneus. Moi je m'en fous ces conneries, ça me berce. Tant qu'il y a du savon pour main sale. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale. Moi je m'en fous ces conneries, ça me berce. J'achète du shampoing pour cheveux sales. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale. Beaucoup, il fait pas des grandes salles, il fait des petites salles, il fait des salles de 150, 200 personnes, mais il fait tout le Québec. Il va dans le nord du nord jusque dans le creux du sud. Quand il s'en va en tournée, là, c'est, il se loue un camion, puis il s'en va avec son camion, puis ses musiciens, puis c'est des fêteurs. Il quitte le Québec, puis ils s'en vont faire vraiment l'Abitibi, Trois-Rivières, Sherbrooke, Matane, ils font tous les raccoins du Québec, même si c'est un petit théâtre de 30 personnes, Adamus sera là, parce que c'est un gars du peuple. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas dire que c'est un gars qui gagne sa vie. 5 pièces à la porte pour le gars qui a ses cordes. Oui, mais c'est ça, mais il ne faut pas s'attendre que c'est une méga vedette au Québec. Moi, je croyais. Tu rencontres des gens comme ça dans la rue, est-ce que tu connais Adamus? Personne, non, les gens vont dire non. Alors, il faut arrêter de dire que c'est qu'un gars. Ouais, non, mais attends, il a vendu une chier de copie de ses putains de disques. Ben, pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Linda Lemay vend beaucoup plus que lui. Oui, mais Linda Lemay, ouais, c'est comme si tu. C'est ça, tu sais, il y en a qui vendent beaucoup plus. Lui, c'est très minimaliste, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Puis il rame beaucoup pour faire ses albums. Puis si ça fonctionne, c'est parce qu'il fait des tournées. Aujourd'hui, l'industrie du disque est finie. Bon, il y en a qui sont intelligents et qui ont trouvé d'autres façons de ramasser de l'argent. Et ça, je trouve ça bien. Quand tu vas voir un spectacle, quelques-uns enregistrent le concert et tu peux repartir avec le concert en CD. Ça, c'est merveilleux pour les gens qui étaient là. Ils gardent le souvenir sonore de cet enregistrement-là. Ouais. Mais là, il faut vraiment avoir aussi un peu d'organisation. Mais ça se fait. Tu peux attendre une demi-heure puis avoir l'album que tu as vu en spectacle. Il faut une machine, ouais. Bon, ben, mais Adamus, c'est pas ses disques qui le fait vivre. C'est ses tournées, puis c'est un peu ses disques. Mais c'est pas parce qu'il est diffusé. Je suis sûr qu'à la SOCAN, qui est le gouvernement qui gère la musique, là, vous aussi la CSM, ben, il fait pas beaucoup d'entrées, là. Peut-être. Je voudrais bien faire les entrées. Je voudrais bien. Je voulais ça. Ouais. Je vais revenir à Sarko. Vous donnerez bonjour à Bernard. Ah, d'accord, d'accord. Qu'on l'attend, c'était lundi. Ah oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu me dis que tu fais beaucoup moins de chansons parce que tu as moins d'intérêt. Tu as moins de. Tu sais ce que je t'ai dit de Brassens. Brassens, ouais. Il est mort à 60 ans. Moi, j'ai 68 ans. Ouais. Brassens, depuis 10 ans, il faisait que de la merde. Quasiment, il y avait deux bonnes chansons par disque. Sur les trois derniers disques, il y a deux, trois bonnes chansons, mais ce n'est pas des bonnes chansons le reste. Okay. Et, parce qu'il n'avait pas des trucs vraiment à creuser, des trucs qui étaient importants. Moi, j'ai fait mon dernier disque en 2012. Et puis là, j'ai 7 ou 8 textes pour faire des chansons, mais j'ai même pas creusé à faire la mélodie. C'est pas important. Est-ce qu'on te demande d'écrire pour... Non. Non? Pourquoi? Je sais pas. T'es-tu trop timide pour aller vers d'autres personnes? Comme exemple, Garance, tu pourrais lui dire hey, « j'ai peut-être écrit un petit texte pour toi, veux-tu vérifier? Est-ce que ça t'intéresse? » Non. Non, c'est ça. C'est la gêne. Es-tu un acte gêné? Non. Non? Non, non, mais moi, je suis un type qui se raconte lui-même dans les chansons. OK, alors c'est très, très personnel, très singulier. Mon image, c'est la vie, c'est comme un rouleau de PQ qui descend dans les escaliers. Ouais. Puis une fois qu'il est en bas, il est en bas. Ouais. Et puis, toi, tu perds ta vie à la voir descendre comme ça, sauf que si à chaque marche, tu arrives à faire un cliché, puis à le mettre dans une chanson, à chaque marche que le rouleau de PQ va taper... Ça, c'est la marche où j'ai fait mes premiers enfants. Ça, c'est la marche où j'ai divorcé pour la première fois. Ça, c'est la marche où j'ai fait mes deuxièmes enfants. Ça, c'est la marche où je suis devenu alcoolique. Ça, c'est la marche où... C'est égal. Toutes les marches que tu descends dans ta putain de vie, si tu les bloques en définissant tout ça, en décrivant tout ce que tu as traversé, eh ben, la brièveté de ta vie, elle est moins flagrante. Ça ne veut pas dire que ta vie, ça va être plus lumineuse. Mais au moins, tu sauras... revoir les lumières différentes que t'as traversées. Et bon, ben, j'aime la vie, je fais des bébés. Maintenant, je suis grand-père, maintenant, tu vois. Et je chante « J'aime la vie, je fais des bébés » à mes filles, pour qui j'ai écrit quand elles étaient bébés, tu vois. Ouais, à l'époque, Et ben, ce truc-là, c'est une lumière, c'est une relumière. Ouais. Moi, j'écris comme ça. J'écris pas pour les autres, je m'en fous. Est-ce que tu vas la chanter ce soir? Non, non, ce soir, je fais un petit peu de Dylan. OK, voilà. OK. Hey, j'ai 10 questions de la fin, puis après ça, ben, on se quitte. Si tu veux faire la balance, ou je ne sais pas si c'est déjà fait. Là, non, mais... Il n'y a pas de balance à faire? Si, mais ça, on a le temps. OK. C'est pas 8h, c'est quelle heure? Là, ben... 6h20. Oui, OK. Alors, j'ai 10 questions. Alors, on va voir où ça va nous mener. C'est ça qui est intéressant. Si tu étais un liquide... Là, j'ai déjà posé la garance. Si j'étais un liquide... De la tueur. C'est un Côte du Rhône. Oh! Mais tu bois plus? Si. OK. Côte du Rhône, pourquoi? C'est du bon vin. Que tu peux te payer... C'est plein de soleil. Oui, oui, comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Ça te rappelle le soleil même quand tu bois ça en hiver? Ouais. Hein? Quand tu débouches, ça sent l'été. C'est des merdes, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Oui, je parle, je continue, moi. Nous errons. Si tu étais une ville... Paris. À tout. Mais la ville de ta naissance, te... Je suis né à Paris. Ah, t'es né à Paris? Mmh. Ah, je pensais que t'étais Suisse. Je suis Suisse. Mes parents ont passé de 45 à 57 à Paris. Ok, mais t'es pas né en Suisse. Je suis né à Paris, pendant que mes parents étaient en Suisse. Quel arrondissement? 16e, si tu crois. Ah, oh. Ah, t'es né à Paris? Ouais. Ah, oh. Eh, mais il va falloir revoir ton truc, hein? Biographie... Ah, non, oui, né à Paris, c'est vrai. C'est moi. C'est moi, j'ai focusé sur la... Ok. Si tu étais une langue... Les filles pourraient s'asseoir dessus. Ah, ben oui. C'est ça l'intérêt, les entendre s'exprimer. Si, mais voilà, peut-être en est une. Si tu étais une époque... Il y a une pierre tombale où c'est marqué Sarclo 1951-2034. C'est mon époque. 34? Toi, t'es un genre de Nostradamus pour toi-même? Non, mais j'ai fait une addition depuis 51 jusqu'à l'âge de mes grands-parents quand ils sont morts. Ok. Voilà. Oh. Et si tu étais un mot? Un mot? Mm. Non, c'est trop juste. C'est trop réducteur? Bah, on a besoin de beaucoup, beaucoup de mots pour être soi-même. Mm-hmm. Je suis pas un mot, je suis un vocabulaire. Un dictionnaire, un vocabulaire? Non, je suis pas un dictionnaire non plus. Ok, t'as un vocabulaire. Ouais, c'est une richesse. Si tu étais un aliment? Un aliment? C'est Géry Boulette qui disait les fruits et les légumes, c'est de la nourriture de fif, nous autres on mange la bière. On mange la oui. Du houblon. Je fais de la bière, moi. Je fais ma propre bière. Si tu étais. Ça me fait du bien de le dire. Si tu étais une saison. Mais tu vois, toutes les questions que tu me poses, je me dis une saison, puis les trois autres. L'été indien. Oh! Avec ou, avec ou sans Jodassin. Sans. Sans, ben oui. Si tu étais un membre corporel. Là. Bah, faut deux mains pour faire de la guitare. Mm-hmm. Les mains. Mm-hmm. Le côté humaniste aussi peut-être. Non. Non, juste la guitare. Gling, gling. Où tu sens les noisettes, t'es belle comme un bandoneon, et je t'aime à fond les manettes, à fond les ballons. Y'a des matins tu sens les cendres, et puis la flotte qui est tombée dessus, alors là je t'aime à pierre fendre, à bride abattue. Et puis tout d'un coup tu sens les sous-bois, la bicyclette neuve, le beurre frais. Là je pourrais faire n'importe quoi, mais c'est toi qui le fais. Et tout d'un coup tu sens la mousse et le bouchon d'un vin nouveau. Et je t'aime à la voix comme je te pousse, attire l'arigot. Si tu veux que je t'aime comme il faut, t'as qu'à sentir les haricots cuits. Si tu veux pas que je t'aime comme un con, t'as qu'à pas sentir aussi bon. Si tu veux que je t'aime poliment, eh ben il faut pas sentir la jument. Le soleil, le sel, le hareng, le gravier, les vieux papiers, les appartes après les vacances, les cœurs de salade, la pâte d'amande, le bois tout neuf pour une charpente. Tu sais, les chevrons à poser, la sciure, l'huile de tronçonneuse et tout le Bataclan. Le maïs, la saucisse, le pain d'épices. Tu sens la pluie qui s'amène le matin, les toutes premières gouttes sur un chemin. Les après-midi vers les blés, le pinard et les nouveau-nés. Oh, j'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. Oh, j'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. Comment c'est ça, j'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. Tes pas t'emmènent vers la foire du Nord, là où les vents tabassent la frontière. Salut pour moi si elle y vit encore. Celle qui fut mon amour sincère. Si les vents cognent comme un marteau, quand les rivières gèlent à l'été finissant, veille bien pour moi quel est ce manteau assez chaud, qui la protège des hurlements du vent. Un coup d'œil pour moi sur ses cheveux longs. Dis-moi qu'il coule toujours et roule sur ses seins. Dis-moi qu'elle a toujours ses cheveux si longs. Qu'ils sont bien comme je m'en souviens. Est-ce qu'elle a le moindre souvenir de moi? Bien des fois, souvent, j'ai prié. Dans l'obscurité ou dans l'effroi. Ou dans la clarté de l'été. Si tes pas t'emmènent vers la foire du Nord, là où les vents se cognent sur la frontière. Salut pour moi si elle y vit encore. Celle qui fut mon amour sincère. Glandol arrive pas trop tôt pour faire son numéro, déjà qu'il est pas beau. Vous dites qui c'est ce glandard, il arrive un peu tard. Qu'est-ce que c'est que cette guitare, il a l'air d'un connard. Mais moi, moi je n'ai peur de personne avec ma Gibson. Yeah. Je suis né, j'étais tout petit, mais j'ai très vite appris à trouver mon zizi, ce fut le paradis. J'ai appris pour mon malheur, modérant mon ardeur, que j'étais qu'un branleur, fallait cesser sur l'heure. Depuis, ça ne gêne plus personne, je me touche la Gibson. Yeah, yeah. Un jour voyant que j'étais pubère, à mes poils au derrière, des vieux cons à visière voulaient me faire militaire. J'ai dit, oh là les gars, vous êtes un peu gaga, je veux bien me faire soldat, mais ça marcherait pas. Moi, je peux bousiller personne avec ma Gibson. Yeah, yeah, yeah. Plus tard, j'ai eu envie, pour arranger ma vie, d'avoir des bons amis ravissantes et gentilles. Mais la vie est si féroce et les filles sont grosses, on me traite assez atroce d'éjaculateur précoce. Depuis, je ne frustre plus personne, j'éclabousse ma Gibson. Olé.

Y'a mon copain Pascal qui caquait plus qu'équette et moi pauvre de moi j'avais chopé la riclette vu que ça faisait 10 jours qu'on bouffait la même chose. Ça prouve que les effets divers peuvent venir d'une même cause. Déconner, déconner, déconner. On peut pas toujours déconner. Les parents, c'est rigolo, ouais. On peut pas toujours déconner. On pratique la fornication sans aucune espèce d'appréciation. On joue cache-cache avec ses émotions. On se raconte qu'on a des motivations. On est à la recherche de ses impulsions. Pour respirer, on fait de la lévitation. Déconner, déconner, déconner. On peut pas toujours déconner. Pas la peine d'aller à Vienne, si c'est pour bouffer du sperme de baleine. Les tchebab chichi, c'est pas du pipi, la sarère torta, c'est pas du caca. Déconner, déconner, déconner. On peut pas toujours déconner. Y'a mon copain Michel qui mettait en cachette ses petits caca de nez dans une boîte d'allumettes. Je sais pas comment vous pratiquez la branlette, mais mon copain Michel, c'est vraiment un poète. Déconner, déconner, déconner. On peut pas toujours déconner. Supposez un mec que vous pouvez pas voir en peinture, vous prenez une petite clé, vous y rayez sa voiture, c'est pas beau, ça fait con, pour y réparer, c'est assez long, assez cher et jamais remboursé. Déconner, déconner, déconner. On peut pas toujours déconner. Quand je suis revenu de sur mon balcon, tu t'étais rendormi sous 14 édredons. Après un scrabble tout seul au milieu du boxon, je suis parti faire un tac au café du Vallon. Déconner, déconner, déconner. Il faudrait s'arrêter de déconner. Parce que peut-être bien que pendant ce temps-là de l'autre côté, on est un tout petit peu en train de se faire enculer. Ouais, ouais, parce que peut-être bien que pendant ce temps-là de l'autre côté, on est un tout petit peu en train de se faire enculer. Ouais, ouais, je recommence parce que peut-être bien que pendant ce temps-là de l'autre côté, on est un tout petit peu en train de se faire un papa outé. Si tu souhaitais un moment de la journée. Sont con tes questions. Oui. Oui. Tu dois te placer. Le matin, quand on se réveille, il fait froid. Ah oui? Ah ouais. Ah, toi, t'es de bonne humeur quand tu te réveilles, toi. Ouais. Ah oui. Oui, ben. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Il y en a juste une dernière après, la souffrance est terminée. Je travaillerai un peu plus la guitare depuis le départ. OK. Classique ou... Non, non. Je me suis pas assez fait mal au doigt. Ok. J'ai compris trop tard que c'était un ventre de plus. Mm-hmm. Tu vois, la guitare que tu joues pour faire un do, puis un sol, puis un fa, c'est une guitare qui fait sol de fa, mais une guitare que tu joues vraiment pour être ton deuxième ventre et puis que ça envoie quelque chose de personnel, c'est du boulot, puis je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait assez tôt. Si tu étais un autre individu, Marilyn Monroe pour me toucher les nichons, mais je vois pas bien. Ok. Je vois pas bien. Alors Marilyn Monroe. Pour me toucher les nichons. Oui, okay, si tu mets pas. Il faut rajouter pour toucher les nichons, pas juste Marilyn Monroe. Comme ouais, ça. Ouais, ouais, okay, ouais. L'intérêt, c'est te toucher les nichons. Ouais, c'est ça. Okay, après ça, mourir. Ouais. Okay. Ben, Sarclo, merci d'être passé à mon émission. T'en prie. Tu es à la hauteur de ce que tu dégages depuis le début de ta carrière. Donc, c'est une continuité. Bouge pas, il faut que tu trouves les disques. Oui, puis je vais prendre des photos si ça ne te dérange pas. L'année prochaine, je risque de revenir au Québec. Ah oui? Parce que mon copain Benoît Paradis, okay, ouais. Il a son petit théâtre qu'il a fait. Les oiseaux de passage à l'époque, là, ouais. Non. Mais là, ça n'existait plus, mais ouais, il a reparti quelque chose, ouais. Il est reparti quelque chose avec sa copine. Où est-ce que c'est? À Limoilou. À Limoilou, dans le quartier Limoilou. Non, c'est en Gaspésie. Ah, ok. Il a acheté une maison en Gaspésie. Je sais plus où c'est. Sur la rive droite. Je ne me rappelle plus le nom du bled. Et peut-être qu'il va nous faire venir, et puis alors... Qui ça, Yvan? C'est qui, toi et d'autres personnes? Non, moi, et puis j'irai avec Mélanie, parce qu'on a envie de faire un petit trip. Okay. Je serais assez content d'atterrir à Montréal, d'acheter une ménoune, de la revendre au bout d'un mois et demi, puis de faire le tour... Alors tu viendras à Québec? Alors c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que si tu as des idées de... Oui, de salle. De salle, pour que je puisse faire mon imbécile... Il y a l'antibar à l'endroit où j'ai rencontré avant-hier Bertrand Belin. Ouais. Une salle qui peut accueillir 75 à 80 personnes ou bien tasser 100 personnes. Mais quand je suis allé le voir, nous étions 45. C'était exceptionnel. Ouais. L'antibar. C'est sur Dorchester, c'est une rue très passante, un quartier. Si tu as envie de t'improviser manager de Sarclos sur. Ben, ce que je vais faire, je vais t'envoyer les coordonnées, tu vérifieras. C'est vraiment pas cher, hein. On va voir comment il fonctionne, là, si c'est à location ou si tu peux être invité. Donc, je vais t'envoyer des informations. Puis, mais ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle salle. Tout petit, là, mais merveilleux. La scène est surélevée. Puis... Si tu as une ou deux idées pour que je fasse pas le trip pour juste un soir. Oui, c'est sûr que le petit Champlain, on va oublier ça. Ça a changé de compagnie, ça a changé de main. Là, puis, c'est plus ce que c'était. Là. Mais il y a des belles places, là, très underground, comme je te disais, l'Antibar, puis peut-être l'œil de poisson aussi, une place assez... ça peut être intéressant. Je t'enverrai ça sur Facebook quand je reviendrai. Ça marche. Puis est-ce que je peux prendre quelques photos pour immortaliser notre rencontre? Tu fais du vélo? Du vélo? Oui, pour accrocher un vélo. Non, c'est un porte-guitare, ça. Ah, OK! Parce qu'on voit ça en arrière des voitures pour accrocher un vélo. Parce que... Oui, ça ressemble. Ok. Alors, on te place debout. Attends, t'as bien sur la photo. Malheureusement, oui. C'est le prix de consolation, c'est ma gueule. OK. On va en prendre 4-5 que je choisirai. Ça y est, c'est bon. OK, la dernière. OK, ouais. On y va. Merci. Parfait. Excellent. C'est pour moi ce que tu veux. Je peux-tu enregistrer le spectacle tout sûr, à l'heure? Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Alors voilà. Merci de ta générosité. Alors donc là, c'est le disque que j'ai enregistré avec Bob. Oui. Qui est splendide. Et puis ça, c'est mon Dylan par Sarclos. Ah ouais. Excellent. J'ai hâte de voir. Est-ce que tu le reprends? Tu m'as dit, tu sais, quand on a parlé tout à l'heure de Hugo Frey, la chanson que tu as retravaillée. Elle est dessus, ouais. OK, parfait. On va diffuser les deux, on va pouvoir regarder l'évolution des... Mais c'est super intéressant. Ouais. Super intéressant. Puis cette photo revient toujours, hein, celle de ta copine? Oui, c'est le... La motivation de... C'est le gris-gris du spectacle. Oui, puis je l'ai même vu dans ton... Ici, là. Ouais. Ça, ici, là. Super belle photo. Hum. Pour avoir pas trop mal... Pendant son cancer, elle fumait pas mal d'herbes. OK, ouais, mais ça aide. Et à un moment donné, ça marchait plus. OK. Puis c'est le moment où Albert, mon fils, est allé la voir. OK. Alors elle lui a filé tout ce qui lui restait d'herbes. Il est reparti avec, avec un paquet. Avec le mouton, ouais. Ouais. Et Albert Chinet, c'est mon fils. OK. Tu peux chercher ça sur YouTube. Oui. Tu peux chercher ça sur la toile. C-H-I-N-E-T. S. C-H-I-N-E-T, Albert. Il n'y a pas de S. Albert Chinet. Okay. Il a 23 ans, il a fait son premier disque il y a 2 ans. Okay. Son premier disque a eu des chansons en playlist sur la radio romande en Suisse. Okay. Et à mon avis, son prochain disque sera encore mieux. Mais c'est très rare que quelqu'un fasse un premier disque à 21 ans et que ce soit intéressant. Puis, as-tu collaboré un peu à la structure ou tu n'as rien à voir là-dedans? Non, j'ai pas grand-chose à voir. J'ai juste payé l'ingénieur de mixage parce que je trouvais que le mix n'était pas... Ah, c'est toi qui as voulu que ce soit un son plus intéressant pour un premier album. Tu voulais pas laisser ça à n'importe qui. Non, en fait, ça s'est passé comme ça. Lui, il a tout enregistré chez lui, dans sa cave. Okay. Tu sais, comme ils font maintenant, ils font un home studio. Puis, exactement, puis, studio maison. Il m'a demandé si le gars qui s'occupe de mes gravures, s'il pouvait lui faire un master. Ok. Puis je lui ai dit, bien sûr qu'il va faire ça. En plus, le gars m'avait déjà parlé de ce qu'il faisait, Albert, et en me disant qu'il aimait ça. L'ingénieur, il aimait Albert. Alors, je dis à... Ça va bien. Excellent, ça, merci. Je dis à... Albert. À Albert, tu balances le tes mix à Didier, puis Didier te fera un master. Puis Didier téléphone à Albert, il dit, écoute, je suis pas sûr de tes mixages. J'aimerais que tu m'envoies les stems. Tu vois ce que c'est que les stems ? Oui. J'aimerais que tu m'envoies les stems, et puis je pourrais voir si je peux faire quelque chose d'autre comme mixage. Albert était absolument ravi et il lui a dit, bah écoute, oui, volontiers, tu je t'envoie les stems et tu fais ce que tu peux. Et puis moi, j'ai dit à Didier, tu parles pas d'argent avec ce jeune homme, c'est moi qui paye. Alors c'est ça mon intervention, c'est de dire, bah, j'ai fait l'entremetteur, si tu veux. Okay. Et puis Didier a pris les stems et il a fait un mixage incroyable. Plus lumineux, plus profond, plus spatial, plus... Mais c'est important parce que... Oui, bien sûr. Peut se détruire là-dessus. Bien sûr. Et là, le disque n'est pas détruit. Je l'ai entendu l'autre jour sur une très bonne installation, bien fort, et je me suis dit, putain, il a fait un boulot, c'est magnifique. Et un disque de mec de 21 ans qui sonne comme ça, c'est... Ah, vrai. Je l'ai écouté l'album, ouais, puis je t'en parlais, puis je l'ai écouté... Et puis... Est-ce qu'il est à Paris? Non, il habite Lausanne. Ah, il n'est pas souvent à Paris? Non. Ah, ok, c'est ça. Oh non, bien. Il n'y a pas de problème. Ben, oui. Ouais, bon, on s'arrangera peut-être à un moment donné pour l'inviter, oui. Ah, mais c'est bien. Voilà le travail. T'as roulé toute la journée? Ouais. Tu dois être mort. Non, ça va. J'ai pas roulé. C'est pas moi qui ai conduit tout le temps. Ah non, vraiment, faudrait faire quelque chose, se disait-il en lisant son journal. Non mais c'est vrai, vous trouvez ça normal, ajouta-t-il d'un ton morose. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout, ah. Il voyait des nichons partout. Non mais c'est vrai, le vieux monde est pourri, et l'argent est trop cher. À 10%, comment faire une affaire, tu parles d'une cochonnerie. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout, ah. Il voyait des nichons partout. Ah, disait-il en tapant sur la table, je peux plus finir mes saucisses. Je ne saurais souffrir tant d'injustices, c'est vraiment trop épouvantable. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout, ah. Il voyait des nichons partout. Putain, dit-il écoutant son moteur, un bruit de passe-légume. Ma vieille R12 va nous faire un gros rhume si je mets pas d'huile tout à l'heure. Mais il n'a jamais rien fichu et son vieux moteur a fondu. Il voyait des nichons partout, ah. Il voyait des nichons partout. Vous allez dire ce type est un sans-cœur, monstre d'indifférence. Comment peut-il assumer nos souffrances et laisser couler son moteur? Si le monde est si mal fichu, c'est qu'il n'a jamais rien foutu. Si son vieux moteur est foutu, c'est qu'il n'a jamais rien fichu. Mais il y avait des nichons partout. Mais il y avait des nichons partout. C'est vrai ça, il y avait des nichons partout. Ah, il y avait des nichons partout. Mourir pas trop amer, commandez fromage et dessert. Et reprenez du camembert s'il est bien coulant. Pour mourir un peu content, choisissez vos médicaments. Si en plus on a mal aux dents, c'est pire que la guerre. Mourir c'est périr un peu, c'est pourrir un peu, c'est moisir un peu. Moisir, c'est réduire un peu, c'est maigrir un peu. Maigrir, c'est martyr un peu, c'est tartir un peu, c'est pâtir un peu. Pâtir, c'est pâlir un peu, c'est gémir un peu. Pour une mort pas trop bancale, vivez donc à l'horizontale. Avec des filles pas trop banales, larguez vos bretelles. Pour une mort pas trop cruelle, venez apprécier nos modèles. Demandez Edwige ou Daniel en cabine spéciale. Mourir, c'est périr un peu, c'est pourrir un peu, c'est moisir un peu. Moisir, c'est réduire un peu, c'est martyr un peu. Martyr, c'est tartir un peu, c'est pâtir un peu, c'est pâlir un peu. Pâlir, c'est gémir un peu, c'est vomir un peu. Pour mourir pas trop en rogne, ouvrez une bouteille de champagne. Dès que la main de la charogne glisse sous votre pagne. Pour mourir calme et sans hargne, vivez cul nu et sans vergogne. Partez faire la guerre en Espagne avec Simone. Mourir c'est finir un peu, ah bah tiens elle est finie ma chanson. Oh là là, la la la la la la la la la la. Pour mourir dans très très longtemps, évitez les emmerdements. La la la la la la la la la la. Pour mourir dans très très longtemps, mourir vivant, vivez souvent. Pour mourir dans très très longtemps, vivez mourant, mourir souvent. La la la la la la la la la la. Quand elle se réveille à côté de moi le matin, elle a les yeux comme des vacances. Elle s'étire un peu sous les draps, me voit, me sourit, j'ai de la chance. Puis elle va beurrer les tartines, faire du café et sa cuisine aura bientôt l'odeur des enfants réveillés. C'est vrai qu'elle est pas encore vraiment là, mais pour moi c'est sans importance. C'est 100 fois mieux qu'au cinéma, bien qu'au ralenti le film avance. De l'autre côté du petit déjeuner, elle va sûrement me raconter un rêve étrange ou ce qu'elle compte faire de sa journée. Avec elle, j'apprends les fleurs, elle connaît les couleurs qu'il fera demain. Elle est tellement tout près des bonheurs qu'elle écueille de la main. Quand je radote comme un poulailler, c'est elle qui ferme le soir pour me faire arrêter. Et quand elle se met la tête en jupe, elle est belle comme une fée, comme un balcon de chalet. Elle va dans son jardin potager, parler aux plantes et aux racines. Comme si elle pouvait s'excuser de les avoir semés pour la cuisine. Bien avant que les petits fruits soient mûrs, elle sait déjà la confiture. Elle navigue entre les carottes et les pois de senteur. Elle va voir derrière les montagnes et jusqu'où volent les avions. Elle veut pas voir la terre en panne, quand elle jette, elle fait attention. Elle ne laisse pas crier les chiens qui veulent chasser ceux qui n'ont rien. Au milieu du désert, elle pourrait faire pousser du pain. Avec elle, j'apprends le nom des fleurs, elle connaît les couleurs qu'il fera demain. Elle est tellement tout près des bonheurs qu'elle écueille de la main. Quand je radote comme un poulailler, c'est elle qui ferme le soir pour me faire arrêter. Et quand elle se met la tête en jupe, elle est belle comme une fée, comme un balcon de chalet. Elle y a rien qui est compliqué, elle pense à des amis qui viennent. Elle tient toujours tout préparé, c'est mieux que le château d'une reine. Elle peut tout dire sans réveiller les papillons ou les bébés. Elle est tellement légère que parfois je la vois voler. Quand elle se réveillera demain, j'aimerais ses yeux comme des vacances. J'irai chercher un petit peu de pain, puis je lui demanderai à quoi elle pense. Avec elle, les réveils résonnent comme les lilas quand ils bourgeonnent. Les matins doux, c'est comme les printemps, jamais monotones. Avec elle, j'apprends le nom des fleurs, elle connaît les couleurs qu'il fera demain. Elle est tellement tout près des bonheurs qu'elle écueille de la main. Quand je radote comme un poulailler, c'est elle qui ferme le soir pour me faire arrêter. Et quand elle se met la tête en jupe, elle est belle comme une fée, comme un balcon de chalet.